L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. On va parler des ambassadeurs de Chicoutimi avec notre ami Michael Godreau. Il n'y a pas eu de chronique la semaine passée parce que les ambassadeurs ne jouaient pas. Mais quoi qu'il en soit, ils ont repris le collier la semaine passée. Salut, Michael. Salut, Dan. Michael, trois défaites en fin de semaine. D'abord, on va revenir sur le match contre les ambassadeurs de Chicoutimi. C'était une défaite de 5-1. Contre Saint-Félicien, oui, c'est ça. Ils ont rentré fort encore une fois. Je pense qu'après 7-8 minutes, c'était 4-0 pour eux autres. Fait que là, on a fallu réveiller les troupes, mais après ça, les deux autres périodes, ça a quand même bien été, là. On a, fait comme fini en un dans les deux dernières périodes. Fait que, je suis content quand même, les gars qui ont pas lâché, qui ont resté réveillés dans ce match-là, malgré la défaite. OK. Julien Paquette a été le seul marqueur dans ce match pour les ambassadeurs. Maintenant, on va y aller, samedi, vous étiez au Saguenay. Et ça s'est soldé d'abord par une première défaite samedi après-midi. Ah, c'est ça, Alma. Première, on jouait quand même assez tôt le matin. Mais il n'y a pas d'excuse. Là. Les gars, ils ont pas joué un fort match. Ça a été décevant un peu, ce match-là. Mais ça a servi un peu à comment gérer l'adversité. Fait que les jeunes ils vont avoir appris de ça, je pense. Hein. OK. Donc, c'était une défaite de 5-2 contre les Aiglons d'Alma. C'est même pas sur le site encore. On est rendu jeudi, puis c'est pas les marqueurs ne sont pas encore sur le site. Et dans l'autre match, c'était au Saguenay. Là, cette fois, c'était une défaite de 4-2. Ouais, c'est ça. C'est encore un troisième match en 22 heures. Fait que là, ça hypothèque les gars. Puis en plus, c'était contre une nouvelle équipe qu'on n'avait pas joué contre dans les deux matchs précédents. Fait que ça crée qu'il y a une équipe plus fraîche que l'autre. Donc, je pense que les gars ont tout donné, mais le sac était vide. Là. OK. C'est évidemment, hein, j'en parlais avec Rock dans le temps, puis ça doit être la même affaire avec toi. Ça doit être difficile, hein, deux matchs en deux soirs. Là. Ah, ça fait partie de la réalité. C'est trois matchs en 22 heures. Ouais. Écoute, on n'a pas le choix. Là, c'est notre, on est loin un peu des équipes, fait qu'on n'a pas le choix de regrouper ça. C'est à nous autres à travailler en fonction de ça, puis s'ajuster, puis essayer d'aller des grosses victoires sur la route. OK. En fin de semaine, ça ressemble à quoi? Ah, en fin de semaine, c'est notre ouverture officielle. Ouais. On joue contre Alma, fait que on va être bien reposé, puis tout on a plus de blessés, tout le monde est revenu. On va se servir un peu de revenir devant nos partisans, fait que je pense que ça va être une bonne fin de semaine. Les gars, ils vont sortir fort, ils ont du caractère, ils n'ont pas aimé la fin de semaine qu'on vient de passer. Fait que ça devrait être positif, j'ai hâte de voir le résultat. OK. Évidemment, les distances sont-tu bonnes depuis le début de l'année? Oui, les distances sont bonnes, mais il faut qu'on y aille rechercher un peu de monde, vu que l'an passé, ça a été très, très, très difficile. Fait que ça a fait diminuer un peu le monde d'instant, mais en cherchant des victoires et en jouant des bons matchs, je pense que ça devrait revenir. On voit déjà une évolution de ce côté-là. OK. Évidemment, c'est. Le fait que le Bantam, ça semble pas facile. C'est pas aussi dur que vous l'avez vu une couple d'années, mais c'est pas facile encore. Ça t'inquiète-tu? Ouais, il va y avoir. Une baisse, j'imagine. On va avoir un petit creux de vague, là. Les Pee-wee sont super forts, sont bons. Mais il y a le Bantam là, qu'on va avoir un petit creux de vague et on va avoir une petite passette là, que ça va être un peu plus difficile. Là. OK. On se parle, Michael, le mercredi prochain? Oui, pas de problème, Dan. C'est la chronique des ambassadeurs de Chicoutimi avec Michael Godreau.